reviennent dans les faubourgs ouvriers. À la fin de la semaine, on aime à s'égailler. Par l'avenue de la Grande Armée, on s'en allait autrefois sur la route illuminée du côté du bois. Pour les faubourgs, ah quel grand jour, c'était samedi, fête à Neuilly. Ah, vivement gardienne, la fête à Neuneux. Qu'on finisse la semaine en rigolant un peu. Vivement qu'on parte bras dessus dessous pour aller manger des tartes et des roudoudous. Sur les autos, loin du boulot, on s'en paye une bonne tranche. Et c'est ainsi, loin des soucis, qu'on passe un bon dimanche. Et toute la semaine, on en rêve à deux. Ah, vivement qu'à revienne la fête à deux. Dis, t'en souviens-tu, mamie, quand nous y allions tous deux? Tu te faisais plus jolie et moi, beau comme un dieu. Nous grimpions sur les manèges pour faire un tour de cochon. Et en avant le cortège du rire à foison. Et le lutteur, qu'un soir sans peur, pour t'épater, j'ai enchetibé. Vivement qu'à revienne la fête à deux nœuds, qu'on finisse la semaine en rigolant un peu. Vivement qu'on prenne sa femme par le bras, et que le bruit des sirènes soit pour les chevaux de bois. Après le turbin, ça fait du bien de pouvoir se distraire, et d'écouter à bon marché des refrains populaires. Et toute la semaine, on les chante à deux. Ah, vivement qu'à revienne la fête à deux. Il y avait les montagnes russes, tu te serrais contre moi, et mes mains pleines d'astuces trouvaient tes bons endroits. J'avais ma belle casquette, toi ton plus joli chapeau. On avait le cœur en fête, c'était bon et beau. On s'amusait, on s'embrassait, quand on rentrait, ça continuait. Vivement qu'à revienne la fête à deux, qu'on finisse la semaine en rigolant un peu. Vivement qu'on puisse s'aimer, tant et plus, et manger du pain d'épices avec son nom dessus. En espérant ces bons moments, j'en suis presque malade. Ça serait si beau qu'on soit pas trop tombé en marmelade. Et toutes les semaines, on revive un peu. Ah, vivement qu'y revienne la fête à neuneux.